questi. We'll be right back. Mec, il y a plus de pieds pour faire ça. Trop de réserve, trop de...